Il est une barbière en France qu'on dit belle comme le jour, puisqu'on dit qu'elle est si belle, camarades la verrons-nous. On fut lui donner aubade, une aubade au point du jour. Quand l'aubade fut donnée, la barbière s'est éveillée. Apparut à sa fenêtre, messieurs, que demandez-vous? Nous demandons la barbière, la barbe nous la ferez-vous? Nous demandons la barbière, la barbe nous la ferez-vous? Ah vraiment, mon beau jeune homme, je l'ai faite à d'autres qu'à vous, je l'ai faite au roi d'Espagne, qui l'a bien plus dur que vous. Au premier coup de rasoir, trois fois change de couleur. Au premier coup de rasoir, trois fois change de couleur. Ah, si mon rasoir vous blesse, j'en ai d'autres de plus doux. Ce ne sont point vos rasoirs, ce sont vos tendres amours. Ce ne sont point vos rasoirs, ce sont vos tendres amours. Mes amours, mes amourettes, monsieur, ne sont point pour vous. Elles sont embarquées sur mer, voyagent la nuit et le jour. Elles sont embarquées sur mer, voyagent la nuit et le jour. Et celui qui les ramène les aura à son retour.